Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. BD 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc, ce mois-ci, c'est un peu les vacances, mais pas encore tout à fait. Donc, on est encore là, mais plus tout à fait encore là. Il y a Virginie qui est avec moi au téléphone, tu m'entends ? Je vous entends, oui, depuis la Lozère, au Vert, dans le Vert. Et ben donc, il y a Greg encore à la technique, donc FPP 106.3, on va essayer de partager, on va partager une émission justement produite en avril sur Radio Zinzine, qui est une émission au sud de la France. On a peut-être eu l'occasion de parler avec vous déjà, puisque on a fait des émissions sur Longomaille, avec des gens de Longomaille, et donc c'est leur Radio Zinzine qui émet dans le sud de la France, et qu'on peut écouter également sur Internet. Et donc, ils ont une émission entre cimes et racines, et donc on a voulu vous faire passer en partie, ou quasiment en partie, l'émission, la 14e, qui s'appelle SOS Forêt à Paris. C'était une action liée à une action menée à Paris. Et donc, on s'est dit que ça valait tout qu'on puisse un petit peu partager avec vous les préoccupations qu'on peut avoir, non pas dans le milieu urbain, mais dans les milieux ruraux, et en même temps les forêts, ça nous concerne tous, on le sait bien. Donc voilà, on avait envie de partager ça avec vous, aussi l'idée de pouvoir aussi partager, faire des allers-retours entre des espaces et d'autres. Donc voilà, une radio associative à Paris, et donc un espace pour une radio associative comme Radio Zinzine. Donc voilà, du coup, j'espère que ça vous intéressera, et puis que se mobiliser un petit peu sur toutes les différentes luttes, la terre, le territoire, tout ça, ça va ensemble. Et on vous rappelle donc que nous, notre programme, il est souvent lié aux apatistes, et donc j'en profite pour vous rappeler rapidement aussi qu'ils sont subinatés par une terre il y a un mois, qu'il y a une campagne qui a été lancée pour reconstruire l'école et la clinique qui avaient été détruites. Et donc la bonne nouvelle, c'est que les apatistes ont déjà reçu les sous sur cette clinique et puis cette école. Mais par contre, on va continuer à apporter des fonds pour soutenir une rencontre qu'il y a au mois d'août avec le Congrès national indigène. Et donc on va essayer de récolter des fonds pour pouvoir leur faire passer ces fonds, qu'ils puissent se déplacer jusqu'au Chiapas, puisque l'idée, c'est que tous les peuples indigènes du Mexique se rencontrent et discutent un peu de leur lutte, de comment ils vont avancer. Donc voilà, du coup, il y a une petite carte qui circule, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber dessus, qui s'appelle « La réalité est à reconstruire ». Donc il y a une petite carte postale qui donc explique un petit peu le contexte de cette campagne. Donc on récolte les fonds, le CSPCL. Donc si vous voulez éventuellement nous faire passer les dons, vous pouvez envoyer un chèque, même tout petit, au 33 rue des Vignoles, au 7508. Donc vous mettez l'ordre CSPCL. Donc voilà, c'est notre adresse. Et j'ai puis, juste Virginie. Le site du CSPCL.org, qui est un site en français pour avoir des informations. Et donc pour finir le programme de radio, notre programme, la jungle des luttes, on passera des petits contre-bêtes qui sont aussi disponibles. C'est un compte écrit par Sucorona Marcos, qui sont lus par différentes personnes. Donc il y a un DVD, c'est un livre DVD. Donc il y a les comptes écrits, et puis le DVD, donc on va partager avec vous deux comptes. Il y en a un qui s'appelle « Le lion tue en regardant », et l'autre c'est « L'histoire de l'épée, de l'arbre, de la pierre et de l'eau ». Voilà, du coup, j'espère que vous vous régalerez en écoutant cette émission SOS Forêt à Paris, et puis les comptes. Voilà, je vous remercie de nous écouter. Et merci à Greg De rien, j'ai pour juste... la technique.

orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. Donc après cette jolie chanson de Calier Tressé qui s'appelle Latino America et qui parle de, des problématiques de terre, de, d'environnement et autres en Amérique latine, on va commencer directement par, lancer la première partie de cette série d'émissions donc, qui s'appelait Entre Cimes et Racines, qui est une série d'émissions de Radio Zinzine réalisée en partenariat avec le Réseau pour les Alternatives Forestières. Et donc, comme le disait Virginie tout à l'heure, c'est l'émission numéro 14 qui s'appelle SOS Forêt à Paris et qui a été diffusée la première fois en avril 2014 sur Radio Zinzine, évidemment. C'est parti. La scène se déroule devant le Panthéon à Paris. Une cinquantaine de personnes de tous les coins de France sont venues enterrer symboliquement la forêt française. Un cercueil posé par terre, orné de la gravure d'un arbre. Des banderoles clament SOS Forêt, non à la destruction de nos forêts. C'est le dernier jour de dépôt des amendements au projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, avant son examen au Sénat à partir du 8 avril. Nos forêts ne seront bientôt plus qu'un joli souvenir si nous ne changeons pas le projet de loi, avertit le collectif SOS Forêt dans sa pétition. C'est Régine Miliarakis de Mirabel, une association faisant partie de France Nature Environnement en Lorraine, qui vient de lire le texte du collectif SOS Forêt adressé aux membres du Sénat. Dans cette émission, Frédéric Bedel, membre du syndicat Snoepen Solidaire au sein de l'ONF en Lorraine, revient sur les origines de la dynamique qui a mené à la création du collectif SOS Forêt France. Ses inquiétudes par rapport à l'évolution de la gestion forestière de plus en plus marquée par une approche minière et industrielle, sont partagées par Sylvain Angeron, directeur de campagne aux Amis de la Terre. Nous écouterons également Muriel André de l'association Adré Morvan, qui revient sur la lutte contre le projet de méga-scierie de l'entreprise belge Hercia dans le Morvan. Commençons avec Frédéric Bedel, forestier à l'ONF en Lorraine. Le Snoepfen Solidaire, le syndicat auquel j'appartiens, avait déjà publié dans les années 70, je crois, mais j'étais pas encore adhérent, un livre blanc sur la forêt française et aussi bien la défense des intérêts des personnels que la défense de la forêt et une certaine vision de la gestion forestière et de la filière bois, ça a toujours été au cœur de notre culture. Après, on a longtemps milité de façon classique à l'intérieur de l'ONF. Avant de se rendre compte, de décider en Assemblée Générale en 2008, Assemblée Générale des Personnels de l'ONF, que en interne, on n'avait plus beaucoup d'écoute, plus de dialogue, pratiquement plus de dialogue du tout avec notre encadrement, qu'on avait des décisions politiques de plus en plus déconnectées de la réalité des forêts et que l'ONF se recroquevillait un peu sur lui-même, n'écoutait pas tellement la société civile. Donc on a voté à une très large majorité la possibilité de faire des assises ouvertes à beaucoup d'autres acteurs que nous, simples forestiers, qui s'intéressent à la forêt. Et c'est ainsi qu'en 2010, on a fait des assises de la forêt en Lorraine, qui ont été intéressantes, qui ont débouché sur la constitution assez spontanée et assez rapide du collectif SOS Forêt Lorraine. À part votre syndicat Snoepfen, je pense que c'est CGT Forêt aussi, mais il y avait donc d'autres associations dès le début donc, qui étaient impliquées en 2010, c'est ça? Oui, donc lors des débats citoyens autour de la forêt Lorraine d'octobre 2010, il y a quelques scientifiques qui sont intervenus de l'INRA, de l'ancienne ENGREF, ancienne école des eaux et forêts, AgroParisTech, et puis des associations diverses qui nous ont ensuite pour une partie rejoint dans le collectif. Donc effectivement, au niveau syndicat, il y avait des syndicats de l'enseignement, il y avait la CGT Forêt et nous-mêmes Snoepfen Solidaire. Et puis il y avait des associations comme Lorraine Nature Environnement, comme l'Oiseau Nature, comme le Cademovi, le groupement d'études des mammifères lorrains, Résistance Terre, bon, tout un tas d'associations qui gravitaient plus ou moins autour soit du bois, soit de l'environnement. Et très rapidement, on a eu plus de 40 membres pour signer d'abord une première lettre qui interpellait la Commission européenne sur les manquements de l'ONF à Natura 2000, la directive européenne. Et puis après, ça s'est élargi à 16 propositions qui sont encore reprises actuellement par le collectif SOS Forêt France. En fait, c'est peut-être une des premières fois qu'il y a ce genre de démarche où en fait des professionnels dans le secteur de la forêt et des citoyens dans des associations, etc., vraiment se penchent sur ce qui se passe dans les forêts. Parce que la forêt, c'est quelque chose qui touche tout le monde quelque part. C'est couvre une grande partie quand même du territoire français. Mais en fait, très peu de gens, on dirait, comprennent vraiment les enjeux. C'est pas un débat qui est public, quoi. Oui, c'est ce qui nous a retenu au départ. On s'est dit, attention, on décide en 2008 de faire des assises de la forêt, d'organiser nous-mêmes déjà, une espèce de conférences débat. On a un journaliste qui travaille en indépendant, journaliste de France Bleue notamment, qui nous a beaucoup aidé sur la méthodologie. Mais après, effectivement, déjà, on devait relever un double défi, c'est déjà informer exactement sur ce qui se passe en forêt, le grand public et même d'autres partenaires qui croyaient connaître une partie de ce qui s'y passe. Et puis en même temps, leur faire comprendre que ce qu'on voit devant nos yeux, les beaux arbres de France, contrairement à toute la communication rassurante sur le sujet, elle est en danger actuellement. Donc voilà, ça c'était assez difficile de faire appréhender ces deux choses-là, et c'est pour ça que aussi, on a payé le côté un peu ours du forestier, qui est bien connu du public. On bosse dans notre coin, on n'embête personne. Les lois forestières, jusqu'ici, étaient votées quasiment à l'unanimité de tous les partis politiques. C'est un sujet sur lequel on laisse faire les spécialistes et où le grand public ne s'investit pas tellement, surtout en forêt, en France. Parce que on a aussi une couverture forestière énorme, une longue tradition, et on estime que la forêt est protégée pour des millénaires. C'est pas en Grande-Bretagne, par exemple, il y a eu une pétition lancée contre la privatisation des forêts publiques qui a recueilli 800 000 signatures en un temps record. Alors que la privatisation en Grande-Bretagne, c'est pas si a priori si impopulaire que ça. Mais il y a un vrai souci de la forêt, de son aspect environnemental, qui n'existe pas en France parce qu'on fait confiance. Aux forestiers, on faisait confiance, parce que c'est de moins en moins vrai. 2010, c'est un peu juste un an après un discours important quand même de Nicolas Sarkozy à Ormat, donc en 2009, où il a en quelque sorte dit que la forêt c'est un trésor qui dort, que c'est une grande ressource aussi pour le bois énergie et qu'il faudrait faire toute une diagonale de méga-scierie. Enfin, c'est vraiment quelque chose que... Et que c'était scandaleux, quelque part, qu'il y avait des gens qui n'exportaient pas leur forêt, etc. Je ne sais pas si c'était lié à ça, mais en tout cas, j'aimerais savoir si la base de votre constat, d'analyse, par rapport à ce qu'on pourrait penser est une sorte d'industrialisation croissante de l'approche de la gestion de la forêt, quoi. C'est le fameux slogan du Grenelle de l'environnement, « produire plus de bois », et là, je le dis tout doucement, « tout en préservant mieux la biodiversité ». Donc évidemment, produire plus, c'est tout. Le quantitatif, la grosse cavalerie, l'industrie, la mobilisation. Et ça a été poussé très très fort par le discours de Nicolas Sarkozy à Urmat en 2009. Dans ce discours-là, il y a certains forestiers comme moi, de métier, qui se sont sentis un petit peu méprisés. Parce que il a dit, on a une ressource sous les yeux et on la sous-exploite. Mais comment ça ? L'ONF, ça fait des années qu'il ne connaît pas sa ressource et qu'il la sous-exploite. Et curieusement, mon encadrement, l'Office national des forêts, n'a pas contesté ça. N'a pas essayé de faire valoir une vision différente. C'était assez symptomatique déjà de la déconnexion du management de l'ONF par rapport à la forêt, lié à tout un tas de problèmes de restructuration à l'Office, à l'ONF. Et en même temps, c'était nous forestiers de terrain, encore assez connectés au terrain, et en particulier syndicalistes qui avons depuis longtemps approfondi les sujets de gestion forestière, on a tout de suite vu que les chiffres de l'inventaire forestier national sur la base desquels on disait « il faut couper plus de bois » étaient faux. Ce qu'a reconnu l'inventaire forestier national en 2011, mars 2011, suite à tout un battage de nos syndicats et du collectif SOS Forêt, ils ont fini par dire « ah oui, au fait, il n'y a pas 40 millions de mètres cubes par an qui dorment dans les forêts françaises, c'était une erreur de calcul. » Mais actuellement, on a le projet de loi d'avenir agricole et forestière qui passe au Parlement, où il est un peu sous-entendu qu'il faut mobiliser plus de bois. Bien sûr que non. Si on veut respecter le code forestier en France, il faut dire une bonne fois pour toutes que nous n'avons aucune donnée pour affirmer qu'il faut mobiliser plus de bois. Grosso modo, on coupe déjà l'équivalent de la productivité naturelle de nos forêts, donc il n'est absolument pas question que la solution soit de couper plus de bois. Justement, ces questions de chiffres, c'est très important. On viendra peut-être après sur l'histoire de ce projet de méga centrale à Gardanne. C'est pas le seul, mais c'est le plus grand en France et que c'est vraiment un nouvel engouement pour le bois énergie. Mais à base de tout ça, il y a une guerre de chiffres, hein, parce que le comité biomasse mis en place par le préfet PACA insiste sur le fait que largement assez de bois pour le papeterie de Tarascon, pour le central de Gardanne et pour toutes tous les projets de chaufferie locale, etc. Or, d'autres contestent absolument ces chiffres. Donc, il semble qu'il y a un réel problème on pourrait dire presque des mensonges ou alors des erreurs. C'est une des premières choses qu'on a dit à Philippe Leroy, le sénateur qui est rapporteur de la loi, quand on l'a rencontré il y a une quinzaine de jours. Oui, il y a soi-disant un présupposé que la forêt est sous-exploitée, qu'on peut mettre par exemple 20 millions de mètres cubes par an sur le marché. Eh bien c'est faux déjà parce que l'accroissement naturel, depuis que l'IFN, l'inventaire forestier national, a reconnu son erreur, on sait que non, il n'y a pas plus dans l'accroissement naturel des forêts, ou peu, et c'est pas là-dessus que repose le problème. Donc les chiffres globaux, on peut les connaître si on est de bonne foi. Après, est-ce que les propriétaires privés ou publics, même l'État dans ces forêts domaniales, a intérêt, même économiquement, à mobiliser sa ressource au prix actuel, ou pour tant qu'on n'a pas de filière pour que ça parte en Chine, par exemple. Ou est-ce qu'il ne faut pas d'abord se poser la question de la filière, son organisation et la valorisation du bois ? Ça ne sert à rien de se battre sur les chiffres de la ressource à Gardanne si on laisse partir en fumée, en chaleur, dans l'atmosphère, 70% du bois qu'on va brûler. Ça sert à rien du tout. Le débat n'est absolument pas là. Le débat, il est dans la structuration, et c'est tout à fait ce que dit le collectif SOS Forêt National. Il est dans la réimplantation d'une filière bois basée, vraiment articulée sur le bois d'œuvre, sur l'aide à la valorisation maximum en rendement matière du bois d'œuvre. Tout est dans la question de gaspillage ou pas des bois qu'on va sortir de forêt. Le forestier que je suis succède à des générations de forestiers pour fabriquer en 200 ans un chêne de la meilleure qualité possible. Ce chêne-là trouvera toujours preneur dans la construction. Ce chêne-là intéresse les architectes pour faire des produits même recomposés à petites sections. On peut valoriser au maximum la ressource si la filière s'équipe, si la filière et ses représentants écoutent ceux qui détiennent la ressource. Donc maintenant, c'est plus l'ONF, c'est plus l'encadrement de l'ONF qui dit ces vérités-là. C'est les syndicalistes de l'ONF et c'est le réseau des alternatives forestières qui est avec nous dans le collectif. C'est les associations, c'est d'autres syndicats dans d'autres domaines qui, maintenant, en savent plus que nos dirigeants ou que nos politiques qui sont censés s'occuper de la forêt et qui tirent la sonnette d'alarme. Attention, La seule bonne solution, c'est de valoriser au maximum la ressource. Et bien sûr, on fera du bois énergie, mais ça sera la sciure des scieries implantée en France. On ne va pas faire revenir la sciure des grumes envoyées en Chine. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des usages du bois, non ? Voilà, et ça, on le lit dans le projet de loi forestière. On le lit dans l'analyse. Mais après, ce qu'on sait depuis des décennies, ça c'est des chiffres officiels hein, de l'INSEE, c'est qu'en gros, 70 à 80% de la ressource et du revenu des propriétaires forestiers, tout confondu, se situent dans le bois d'œuvre. Donc c'est ça qui paye la gestion forestière. Et que les investissements publics pour la filière sont concentrés à 80% dans le bois d'industrie, dans le bois énergie, dans les panneaux, dans les sous-produits. Donc la vérité des chiffres, c'est que les investissements, ils se font pour le bois mal valorisé. Ça, c'est une course en avant qui va pas pouvoir durer longtemps parce que, et aussi, je parlais de l'Angleterre, mais il y a d'autres pays voisins qui lorgnent sur notre ressource pour faire fonctionner leur centrale biomasse. Donc, faut arrêter les délires. On peut pas se permettre de gaspiller le moindre mètre cube de bois actuellement. Et c'est uniquement ça, le débat. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. Alors, on va continuer avec l'émission. Comme vous le voyez, c'est un petit peu technique et un petit peu compliqué, mais ça reste intéressant. Moi, je trouve que ça continue à être intéressant de voir un petit peu l'état des lieux des débats autour de ces questions-là, de voir comment ça se passe exactement et de voir, de voir un petit peu où en sont ces histoires et tout le reste. Allez, on continue. Alors, revenons à la dynamique SOS Forêt. Donc, 2010, première étape en Lorraine. Comment ça se fait ou comment vous êtes arrivé à le transformer en dynamique nationale ? Ça a pris un peu de temps. par manque de disponibilité, peut-être parce que l'actualité ronronnait un petit peu au niveau forestier. Et puis ce qui a été assez décisif, c'est le rapprochement avec le réseau des alternatives forestières pour compléter un peu la vision du collectif lorrain qui était assez axé forêt publique, puisqu'en Lorraine, c'est plus des deux tiers de la forêt qui est publique. Et donc l'ONF et nos syndicats à l'ONF avaient pris une part importante. Donc on a réussi à un peu se rapprocher à la fois de la forêt privée et puis de la filière qui a dans les problématiques actuelles une place centrale à jouer, parce que pourquoi on estime qu'il y a quelque chose à faire, c'est parce que il y a des déséquilibres dans la filière qui se profilent et que c'est ça la grande nouveauté, c'est l'appétit industriel sur la forêt. Donc voilà, dès l'instant où on s'est rapproché de ce réseau des alternatives forestières, on a pu envisager de monter vraiment une dynamique. Il y avait la loi, le projet de loi d'avenir, donc agricole et forestier, qui se profilait. Il y a aussi le changement de gouvernement qui a fait que le collectif lorrain a été reçu par le conseiller du ministre, donc Patrick Falcon, le conseiller du ministre Le Foll. Voilà, c'est l'actualité a un petit peu rebondi et on a lancé en novembre dernier une rencontre préalable pour voir s'il y avait moyen de fédérer un collectif au niveau national. Donc ça, c'est une réunion à Paris qui a réuni, je sais pas moi, 40, 50 personnes, je crois, mais qui venait surtout de pas mal d'organisations. Pas mal d'organisations et beaucoup de régions administratives aussi, donc ça c'était satisfaisant. Il y a des membres historiques, originels du collectif lorrain qui sont pas revenus tout de suite dans la démarche, comme le WWF, ProSilva qui était pressenti pour venir, qui n'est pas venu. Maintenant, il y a quand même des ouvertures avec ces gens-là. Et puis bon, voilà, les gens qui pouvaient venir le 16 novembre sont venus. Ça faisait pas mal d'horizons différents. Et comme on l'avait expérimenté en Lorraine, on s'est rendu compte en discutant qu'on avait vraiment beaucoup de convergences de vues et des connaissances complémentaires sur la forêt et sur la filière. Donc voilà, les débats ont été très riches, très constructifs le groupe communication et le groupe amendement sur le projet de loi ont tout de suite pris le mort aux dents et ont fait un boulot depuis novembre qui est assez conséquent et qui augure bien de l'avenir. Mais justement, c'était au moment où il y a cette loi, quoi. Donc comment vous voyez cette loi et les lacunes, les erreurs ou les choses vraiment négatives, dangereuses là, dans cette loi, et qu'est-ce qu'il faudrait changer, quoi? C'est pas très facile à faire comprendre quand on lit le projet de loi en lui-même, parce qu'il y a un tout petit volet forestier. Donc le sénateur Leroy, qui est le rapporteur du projet, quand on est allé le voir au Sénat il y a 15 jours, a eu beau jeu de nous dire « Mais je ne vois pas pourquoi vous êtes alarmiste. Le seul danger, c'est que la forêt soit oubliée. » Enfin, en tout cas, lui est forestier de formation, a exercé à l'ONF. Il connaît quand même encore bien la forêt. Il a une base assez solide et il nous disait, il témoignait du fait que lui, il y a quelques années au Sénat, était à peu près le seul à parler de forêt, il s'y passait un peu pour un illuminé. Et il nous a dit, ça n'a pas beaucoup évolué depuis, c'est pas un sujet central dont tout le monde débat. Donc d'accord, le danger est d'oublier la forêt. Après, nous, quand on voit les 2-3 articles consacrés à la forêt, effectivement, la forêt est oubliée. On nous parle d'une ambition pour la forêt, mais il n'y en a pas. Après, l'ambition qu'on voit, c'est pour un fonds stratégique forêt-bois. Encore une fois, c'est sur bois qu'il faut appuyer. C'est un fonds stratégique pour l'investissement dans la mobilisation des bois, donc toujours plus de bois à mobiliser, la grosse cavalerie, l'industrie du bois. Et donc, les seules incitations qu'on pressent, c'est l'encouragement à de gros investissements pour à la fois mobiliser plus de bois. Et la grande nouveauté qu'on voit apparaître en filigrane, c'est les pépiniéristes qui reprennent du poil de la bête. À l'ONF, on a eu généreusement distribué dans les boîtes aux lettres de tous les personnels de l'ONF, sans explication, un gros document sur les variétés améliorées de plans forestiers. Alors que, donc avec un éditorial qui dit « La forêt française », donc ça c'est la grosse communication des pépiniéristes, « La forêt française est en danger parce qu'on ne plante plus assez ». Alors la réalité, c'est « On ne plante plus parce qu'on sait désormais faire de la régénération naturelle ». Et jusqu'à il y a très récemment, on était fiers de peu planter en forêt. Mais sous couvert de changements climatiques, de meilleures adaptations, de futures essences, on va jouer aux apprentis sorciers, on va faire plaisir aux pépiniéristes et on nous encourage à planter tout et n'importe quoi. Là aussi, c'est pas pour les changements climatiques, c'est pour des meilleurs rendements énergétiques, puisque voilà, c'est la folie de l'atténuation du CO2, c'est la folie du climat, c'est la folie de la biomasse, du bois énergie, et on oublie complètement les écosystèmes fragiles qu'on va fabriquer, la fragilité face justement au changement climatique, la perte de biodiversité, de résilience, de purification des eaux, de l'air, toutes les fonctions environnementales essentielles que remplit une forêt équilibrée. C'est pas le matériau miraculeux, c'est pas le bois tout seul. De toute façon, il est en quantité limitée. Il se régénère de façon lente et donc faut pas épuiser la forêt. C'est la pire des erreurs à faire au nom d'un éco-matériau. Mais juste là-dessus, par rapport, par exemple, les projets de bois énergie, j'ai beaucoup vu ailleurs sur la planète, mais que ça commence aussi en France, l'idée qu'il faut vraiment planter donc des forêts, et parfois avec des arbres. En Dordogne, j'ai entendu parler de robiniers plus ou moins génétiquement modifiés, mais bon, des arbres avec une croissance rapide qu'on va couper tous les 3-5 ans, quoi, avec des aboteuses, très très régulièrement, et donc pour remplacer les forêts existantes. Donc peut-être c'est aussi le pépiniériste, ils ont un grand rôle devant eux, parce que de développer donc toutes ces nouvelles espèces quelque part qui sont censées être extrêmement efficaces pour le bois énergie, par exemple. Il y a deux choses qui sont absentes dans le projet de loi, c'est la connaissance exacte fidèle de la ressource, ça on en a un peu parlé là, mais il y a aussi la prise en compte de l'intérêt d'un propriétaire à mobiliser ou à valoriser son bois ou à faire de sa forêt une production de bois. Moi je travaille dans le cadre des aménagements forestiers, on doit examiner pour chaque parcelle forestière, c'est le code forestier en France, les trois fonctions économiques, écologiques et sociales. Et si on n'a pas d'intérêt à mobiliser, on ne mobilise pas. D'un seul point de vue économique, et c'est là où ProSilva dit par exemple qu'économie égale écologie, plus le bois est gros, plus il possède de bois mature en son sein, et même dans des forêts méditerranéennes, même pour le bois de chauffage, dans tous les cas, plus on laisse grossir un bois, plus le bois est mature, meilleur le rendement économique pour une parcelle forestière. Ça, c'est l'intérêt du propriétaire. Donc, les taillis à très courte révolution, les essences qui poussent vite pour faire du bois énergie, ce ne sera jamais rentable pour un propriétaire forestier. Et après, il faut comprendre que si la sylviculture continue à produire des très gros bois de qualité, le seul maillon qui manque, c'est une filière qui est adaptée à valoriser ces bois-là. Parce qu'au final, on aura beaucoup moins de gaspillage dans la chaîne d'utilisation du bois et on pourra faire aussi du bois énergie, on pourra tout faire. En revanche, si on transforme nos forêts en champs d'arbres vite récoltés, on n'aura rien du tout. Et le conflit entre écologie et économie qui commence à apparaître n'a jamais existé en France parce qu'on a toujours fait de la forêt mélangée avec des bois matures. Si on sort de ce système-là, il y aura conflit, il y aura gaspillage de la ressource. Et ce qui est dangereux dans le projet de loi, c'est ce qui ne dit pas. Donc, nous, on veut réintroduire dans le projet de loi, par exemple, une interdiction formelle d'utiliser des organismes génétiquement, des arbres génétiquement modifiés. Ça n'est pas dit. Et dans le cadre actuel, on sait que ça se fera. Donc il faut interdire ça, il faut interdire les projets déments de mobilisation de la ressource ou les contrôler, ça n'est pas dit, donc nous on veut que ce soit dit. Pardon, juste là-dessus, ce que j'ai compris c'était pour dire qu'au-delà d'une certaine dimension de projet, il faut qu'il y ait une véritable consultation publique dans toute la zone qui est touchée par un projet, par exemple Gardanne qui a une zone d'approvisionnement de 400 km, il faudrait aller voir sur tous ces 400 km et pas juste le 10 km qui est préconisé pour une enquête publique, pour une telle usine. Nous déjà on demande un arbitrage national puisqu'il y a des subventions, il y a des crédits sous prétexte de remplir les engagements de Kyoto et ce genre d'annerie. Donc tout simplement un contrôle national parce que la ressource elle est connue, on ne peut pas faire comme si elle n'était pas connue. Donc déjà, ça permettrait déjà à des projets comme Gardanne de ne pas exister du tout. Il n'y aurait pas consultation sur des projets comme ça. Ça ne peut pas exister. Donc il faut une orientation. En agriculture, le projet de loi a quelques ambitions sur le mode d'agriculture. En forêt, il n'y a rien du tout. Donc déjà des grandes régulations. Et puis après, effectivement, des consultations tant qu'on voudra. Mais il faut déjà savoir vers quelle forêt on veut aller. Ça concerne la ressource. Et puis le dernier point aussi, c'est que on va inventer des groupements d'intérêts écologiques forestier par exemple, pour pousser la multifonctionnalité, il faudrait aussi qu'on interdise les coupes rases d'une certaine surface, ce que font nos voisins européens, qu'on donne un avantage concurrentiel en quelque sorte au mode de sylviculture plus proche de la nature. Là aussi, rien n'est dit, ça va être la porte ouverte à n'importe quoi. Les seules portes qu'on laisse ouvertes explicitement dans le projet de loi, c'est des compensations pour défricher la forêt. Alors que jusqu'ici, le code forestier garantissait qu'on ne pouvait absolument pas défricher la forêt en France. Là, on en trouve la porte du défrichement, on en trouve la porte des projets déments, de la mobilisation, des courtes rotations, de la surmobilisation du bois, etc. Donc, par exemple, c'est très bien de créer un fonds stratégique de la forêt et du bois, mais on voit bien dans tout ce qui est dit ou non dit qu'il est orienté vers plus de mobilisation du bois. Ben non, il doit être orienté vers, quand on voit le peu d'utilisation du chêne, par exemple, en construction, ou des feuillus de manière générale, il doit être orienté pour que la France s'en sorte, même sa filière, sa balance commerciale bois. L'Eldorado, c'est les feuillus, c'est pas les résineux. On a plein de feuillus de qualité, il faut les valoriser, sinon, très rapidement, ils vont partir en fumée. Et ça voudra dire aussi que l'État, dans ses forêts domaniales, que des propriétaires forestiers privés, soucieux de leur patrimoine, auront bossé pendant des générations pour rien du tout, pour faire partir leur bois en fumée. Et ça, ce genre d'erreur-là en forêt, si on mobilise trop, on les paye pendant des décennies et des décennies. Et parfois définitivement quand on remplace la forêt par autre chose. Alors comment ils ont réagi les sénateurs? Parce que vous avez eu des rencontres. J'ai pas encore eu le temps de discuter avec la délégation qui a rencontré le groupe socialiste la semaine dernière. Moi j'ai rencontré un sénateur socialiste en Meurthe-et-Moselle qui avait vraiment bien étudié notre dossier et qui s'était engagé à porter toutes nos propositions d'amendement, aussi bien du collectif SOS Forêt que du SNUP FEN Solidaire, puisqu'on en a quelques-unes en plus. Voilà, ce sénateur-là socialiste avait dit on le portera auprès de notre groupe, pour nous tous vos amendements sont recevables et il faut les pousser. Bon, c'était plutôt encourageant. Je sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle, puisqu'on est au dernier jour de dépôt des amendements. Et en tout cas, bon, pour ce qui est du sénateur Philippe Leroy, qui est rapporteur de la loi il y a 15 jours, eh ben, il était d'accord avec notre analyse. Et il partageait pas nos inquiétudes. Voilà, je sais pas, on peut difficilement mieux le résumer, si ce n'est que il nous a dit qu'il avait demandé une expertise au ministère de l'Agriculture pour savoir quelle serait l'instance nationale la plus pertinente pour arbitrer les gros projets de la filière bois. Donc il avait déjà conscience de ce problème-là, il nous a dit « Oui, je suis d'accord avec vous, Gardanne c'est un projet dément et il y a d'autres projets déments et il faut couper court à ça ». Donc il a conscience de ça et il y a peut-être quelque chose dans la loi qui ira dans le sens d'une régulation. On l'espère en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres domaines sur lesquels vous pensez travailler le prochain temps ou d'autres priorités quoi ? Il y a plein de volets, il y a les 16 propositions du collectif, il y a tout un tas de choses qu'on a mis en commun, qui sont notre plateforme commune. Pour moi, il y a déjà l'enseignement et l'éducation citoyenne pour les forestiers de demain, parce qu'on sait que 15 ans, c'est rien du tout pour une forêt, donc on travaille pour les gens qui vont s'en occuper dans 15 ans. Moi, je suis issu d'une formation d'ingénieur forestier au départ, qui a été un peu rachetée par l'Institut National Agronomique, donc il y a des tendances, là je reviens juste à la loi 2 secondes, mais il y a une velléité de revenir sur cette mauvaise décision et de sauvegarder la spécificité de l'école forestière française, donc au niveau ingénieur, mais au niveau des techniciens, à tous les niveaux. Il faut qu'une formation forestière réapparaisse dans les centres formation agricole. Voilà, donc ça, c'est une revendication assez forte. Il y a aussi l'éducation qu'on fait tout le savoir qu'on met au commun auprès du collectif, au sein du collectif SOS Forêt et qu'on essaye de diffuser plus largement auprès du public. Il y a la promotion d'initiatives différentes comme dans le réseau des alternatives forestières. Et puis, il y a tout ce qui est lutte, vraiment à proprement parler, qui est la spécificité du collectif SOS Forêt. Lutte à la fois contre, pour chez nous, la disparition des forestiers assermentés dans les établissements publics. Lutte contre les incitations au défrichement ou contre l'affaiblissement des prérogatives des appareils d'État dans la forêt publique, mais aussi privée, parce que les CRPF, là aussi, les centres régionaux de propriété forestière, sont affaiblis, agréent ou instruisent des plans simples de gestion à la va-vite en tolérant tout et n'importe quoi. Donc voilà, il y a le vol des filières, évidemment, dont on a déjà pas mal parlé. Il y a la promotion de modèles de sylviculture différents, il y a la mise en commun de tout un tas de savoirs et faire valoir haut et fort la voix des forestiers dans ce monde de brut, j'ai envie de dire. Merci. difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmitting Brandon, transmitting so sweet, is New Wyoming, that's on the bus. Yo matamos, so mystic, y matamos, that is the apanas. Transmitting Brandon, transmitting so sweet, is New Wyoming, that's on the bus. Yo matamos, so mystic, y matamos, so permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento. Viento, energía y movimiento, mira, somos viento, que es lo que somos en realidad, somos viento. FPP 106.3, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL. On continue avec Entre Cimes et Racines, la série d'émissions par Radio Zinzide, et avec le numéro 14, SOS Forêt à Paris, la dernière partie. Muriel André, on s'est vu il y a quelques temps dans le Morvan, parce que tu étais fort impliqué dans la lutte contre cette fameuse méga projet de Syrie Exia, donc dans le Morvan. Ça a été donc annulé en quelque sorte par le Conseil d'État, mais il y a toujours une dynamique, je pense, dans le Morvan autour de toute cette question de l'avenir de la forêt, etc. Pour l'instant, on attend la réponse des jugements sur le fond. Les jugements ont eu lieu, on attend les délibérés. Donc les 6 arrêtés préfectoraux donc sur destruction d'habitats d'espèces protégées, le fameux arrêté qui a été suspendu et dont la suspension a été validée par le Conseil d'État, donc qui a permis de stopper les travaux et d'être tranquille depuis quelques mois. Il y a l'arrêté loi eau qui est extrêmement important, l'arrêté ICPE, la pollution, l'arrêté permis de construire, lotissement industriel, et donc on attend les réponses. On est à peu près certain de gagner au moins sur un arrêté. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus tranquille, mais ça crée une dynamique locale, parce qu'on est en train de créer des, entre guillemets, on n'aime pas le mot projet, on dit des chantiers, donc on va créer des lieux, ça crée une dynamique aussi, puis on a une crédibilité même auprès des gens dans les villages, auprès des élus, parce qu'on a travaillé sérieusement, sans violence, mais en étant ferme, et on a montré qu'en fait, quand on est élu ou quand on est décideur, eh bien, il faut un petit peu lire les dossiers quoi, avant de les proposer aux gens. Donc voilà, ça c'est sympa. Et puis ça crée une dynamique avec le collectif SOS Forêt et on s'y investit à 100% encore. Voilà. Concrètement, j'ai vaguement entendu parler de peut-être essayer de, je ne sais pas si c'est acheter ou obtenir en tout cas accès à un certain bout de forêt pour un plus long terme de développer des activités, etc. Alors, on attend de savoir, parce que alors, c'est un peu compliqué, le bois, les 110 hectares de bois qui devaient être détruits pour couler la dalle, assécher les sources, couler la dalle dans l'ordre chronologique et construire l'industrie, les bâtiments industriels, appartiennent à une société d'économie mixte qui est financée à 55% par le Conseil Général. Donc, il y a un avenant au contrat. Si le projet ne se fait pas, il retourne à la communauté de communes dont on dépend. Donc le but, ça serait de persuader les gens qu'on puisse racheter sous la forme d'un groupement forestier ce bois et d'y faire des activités proches de la nature, de découverte, de la faune, de la flore, et puis mais des activités créatrices d'emplois aussi. Et puis pourquoi pas exploiter, faire une amas bois par exemple, exploiter le bois, puisque c'est un très joli petit bois qu'on peut exploiter tranquillement, en respectant la variété des essences, en respectant une futaie irrégulière, pour prouver... Le problème, c'est que les discours et les luttes, à un moment donné, elles vont s'épuiser. Il faut aussi être dans le concret. C'est-à-dire, le concret, c'est acheter en groupement des forêts. Et là, on peut prouver qu'en pratiquant la futaie irrégulière, ça marche et c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement, mais aussi respectueux d'un patrimoine et respectueux des générations futures, puisque ces forêts-là, bien exploitées, vont régulièrement apporter un petit peu une économie, des revenus, mais en respectant la forêt. Et non pas en la prenant juste en étant un apport, un profit immédiat. Il y a une sorte d'amour pour la forêt en France, en général. Ça touche les gens, mais en même temps, il y a très peu de gens qui sont vraiment informés, qui comprennent les enjeux. Et c'est à travers une lutte comme vous avez menée que tout d'un coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre beaucoup plus quelque chose qui est quand même assez complexe. Et ce qui est très très important, parce que maintenant on voit des menaces un peu partout, mais peu de dynamique, disons, de gens qui s'opposent. Mais en fait, quand on réfléchit, à force d'observer, de réfléchir, de se dire pourquoi les gens réagissent pas plus, mais en même temps les gens réagissent dans les campagnes, ils disent ah oui c'est pas normal, on a des grosses coupes en ce moment autour de chez nous, c'est pas normal et tout. Alors en même temps il y a le côté financier et c'est pour ça qu'il faut avancer cet argument économique où si on exploite bien une forêt, elle peut être rémunératrice raisonnablement. Mais il y a donc une observation, c'est en fait on a l'impression que la forêt elle sera toujours là. Les gens, pour eux, c'est pas possible qu'il n'y ait plus de forêt. Et c'est quand il y a une grosse forêt tout près de chez eux qui est détruite, où là, ils se disent, mais ça suffit, quoi. Là, parce que c'est leur paysage, c'est leurs habitudes qui s'en vont, mais c'est pour beaucoup de choses comme ça. Tant que c'est pas à côté de chez eux, et ils réagissent pas trop. On a l'impression qu'il y aura toujours de la forêt en France, mais c'est faux, en fait. Absolument. Quand on voit la multitude maintenant de gros projets de méga-centrales, etc., mais aussi l'industrialisation forcenée, quoi, aussi des méga-scieries, etc., quoi. Ah oui, c'est moi je pense qu'il faut vraiment bien dire aux gens, la forêt ne sera pas toujours debout si on accepte la loi telle qu'elle est et si on accepte au nom de l'emploi de laisser installer des énormes scieries qui vont vraiment déstabiliser toute la filière bois. Il y a une scierie par semaine qui ferme en France, hein, une petite scierie, faut pas l'oublier. Donc c'est on va vers une catastrophe non seulement environnementale, mais aussi économique. Donc, ne laissons pas faire. Il y a des chiffres, hein, vous avez les chiffres sur les emplois qui parlent d'eux-mêmes. En industrie, un emploi pour 3000 mètres cubes. Une petite scierie, c'est un emploi pour 1000 mètres cubes. Et en seconde transformation, c'est un emploi pour 40 mètres cubes. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Créons des petites structures, même de cogénération, des petites scieries. Maintenons plutôt l'existant et aidons les petites scieries à vivre. Les petites scieries, les petits forestiers ne pourront plus s'aligner sur les prix. Donc ils vont dégager, hein, ils vont dégager de la filière, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est technique, quand on en parle aux gens, les gens ils ont du mal à comprendre, ils se disent mais quand on parle emploi, je veux dire trois chiffres au niveau de l'emploi, n'importe qui peut le comprendre. Donc c'est assez délicat de passer le message, mais on peut le passer, je pense, à force. concrètement chez vous, maintenant, c'est quoi les prochaines étapes, en fait, donc par rapport à cette dynamique autour de cette forêt? Déjà, on a réussi à dégager le maire de la, le maire de la principale commune qui a défendu corps et âme ce projet. Donc, il est, je pense que la pression qu'on a faite l'a fait dégager, aussi bien par les pro-Hertzia, les anti-Hertzia, les pros parce qu'il n'avait pas mené le projet au bout, et les anti parce que, voilà, ils étaient contre lui. Donc, du coup, on attend là de savoir comment on va pouvoir racheter ce bois. Et puis là, on va monter un lieu associatif avec une boutique pour les producteurs locaux. Ça n'existe pas. Nous, on est dans un coin très paumé, hein, où il n'y a pas beaucoup de dynamique. Donc, du coup, on va dynamiser ça. On va certainement permettre à des gens de s'installer en maraîchage, en fromage, etc. Donc, mais à ce moment-là, où ça? Sur d'autres terres? Ah oui, pas sur le bois. Oui, oui, dans les alentours. Parce que nous, on a un habitat très clairsemé. Donc, ça sera forcément dans les alentours. Mais nous, pour faire nos courses, on fait 30 bornes. Hein, donc, voilà. Donc, il y aura le bois avec des activités. Et il y aura d'autres activités, notamment agricoles, mais aussi, pourquoi pas, donc avec ce lieu associatif. Voilà. Donc là, les étapes, on attend les jugements sur le fond pour être bien sûr que rien ne sera fait sur le bois. Et sinon, ben, on recommencera la lutte et on les attendra au virage. Et puis sinon, on attend de savoir si on peut racheter ou pas ce bois. On est en train déjà de discuter avec les élus. Ils sont au courant de notre projet. Merci. Merci. Sylvain Angeron, tu travailles pour les Amis de la Terre, directeur des campagnes, je crois, mais pas mal sur la question des forêts, de biomasse, enfin, de tout ça, depuis pas mal d'années. Peut-être tu pourrais d'abord présenter un tout petit peu ton boulot. Oui, donc j'ai la chance d'être salarié aux Amis de la Terre depuis 2004. Voilà, moi je suis forestier de formation et j'ai commencé aux Amis de la Terre à travailler sur les questions de forêt tropicale. Et puis toujours en gardant un petit œil quand même sur ce qui se passe sur les forêts françaises, en essayant de produire un rapport, une analyse, donner un petit coup de main par-ci, par-là. Et c'est vrai que là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ces projets, notamment d'usines de biomasse qui se multiplient un peu partout et dans le monde, et ça arrive en France avec Gardanne, voilà, ça c'est quelque chose qui me préoccupe particulièrement et qui est l'aboutissement de, voilà, tout un tas de projets qu'on décortique et qu'on analyse depuis des années, quoi. C'est une Europe qui consomme trop d'énergie, qui plutôt que de réduire ses besoins, essaye de trouver, de mettre des sparadraps et de créer d'autres problèmes ailleurs, quoi. Oui. Peut-être on peut revenir à la question de l'énergie après, mais par rapport à la forêt, ça donne l'impression que c'est aussi un pas de plus vers une industrialisation de la gestion de la forêt. Mmh. En fait, qu'on voit la forêt comme une ressource minière, en gros. Mmh. La forêt en France, c'est très particulier quand tu compares à d'autres pays. D'une part parce que la forêt elle est essentiellement privée en France, qu'on a une longue tradition de gestion forestière sur les forêts publiques, et donc pendant longtemps les choses ont été assez figées. Les forestiers ont toujours considéré, moi j'ai passé par une école forestière où on me disait vous avez la vérité, quoi, vous savez comment gérer la forêt. Et en fait aujourd'hui, alors déjà ça c'était critiquable, hein, mais aujourd'hui tout ça c'est en train d'exploser parce que la forêt elle est en train de se mondialiser. Et aujourd'hui c'est plus le forestier qui va décider d'où va aller le bois qu'il est en train de cultiver dans la forêt. C'est le marché. Ce marché, il peut demander, il y a encore quelques années, il demandait du bois d'œuvre, donc du chêne, du hêtre, pour travailler dans des scieries locales. Et ça c'était très intéressant, faire des produits de qualité, donc jusque là ça allait. Puis le marché l'a changé. Aujourd'hui, des bois comme le hêtre, on n'en vend plus. Les scieries, elles ont de plus en plus de mal à résister à la concurrence des méga scieries, notamment allemandes et autres. Est-ce qu'il y a une sorte de normalisation aussi dans les scieries, hein, de... Alors, il y a plein d'enjeux. Il y a plein d'enjeux, effectivement. Déjà, il y a la question de la normalisation, comme tu dis. Il faut voir que la forêt française, elle est essentiellement constituée de feuillus. Les trois quarts, c'est des feuillus. Or, quand tu construis une maison en bois, la plupart du temps, on va la construire avec des bois résineux qui viennent des pays du Nord. Pourquoi ? Parce que les pays du Nord, ce sont les pays qui ont investi justement dans la normalisation. Ils sont capables de dire que ce bois-là, il répond à telle norme et tu peux l'utiliser en construction. Donc les architectes sont couverts, toute la chaîne de distribution est couverte. Aujourd'hui, tu es collectivité, tu veux construire un gymnase, tu ne peux pas utiliser une poutre de chêne, même parce qu'elle a un petit nœud et qu'elle n'est pas normée. Par contre, tu utilises des lamellés collés qui viennent de pays d'Europe du Nord. Donc il y a un vrai problème, c'est que la France n'a jamais, le gouvernement n'a jamais investi dans la normalisation. Et la filière bois, également, elle aurait pu le faire. Mais la filière bois, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle est extrêmement fragmentée. C'est tout un maillage de petites scieries en milieu rural qui ont très peu de capacité d'investissement. Alors qu'à l'opposé du modèle allemand ou scandinave, où là, on a des méga scieries qui, elles, sont capables, même individuellement, de normaliser leurs produits et vraiment de les développer. Donc on a ce problème-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la forêt française, elle est complètement sous cette pression du marché, de la mondialisation. Et donc, si la production de bois d'œuvre de qualité n'est plus rentable, la forêt se transforme en fait en gigantesque boîte pour produire des copeaux de bois, de l'énergie ou que sais-je d'autre. Quoi. Voilà. En même temps, il y a Nicolas Sarkozy à Rumat. Ouais. Un des aspects dans son discours, donc, je crois en 2009, c'était de dire qu'il faudrait cette espèce de diagonale de Syrie, méga Syrie. Donc il essaye de rattraper ce que lui considère le retard. C'est une erreur. C'est une erreur totale. Regarde, quand ça a démarré les projets de bois énergie, je me souviens que ça a commencé en région Poitou-Charentes. Maintenant, on a notre ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui connaît très bien ces projets qu'ils ont lancés. Eh bien, l'approvisionnement en bois d'énergie, il venait de Belgique, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'approvisionnement local. Et donc, on va se retrouver dans la même situation. C'est-à-dire que le meilleur approvisionnement en bois énergie, si tu ne veux pas transformer ta forêt, en fait, gérer la forêt uniquement pour faire du bois énergie, le meilleur gisement, c'est ce qu'on appelle les produits connexes de Syrie, les déchets de Syrie. Quand tu transformes une grume, tu as 30% de pertes. Ça, ces pertes-là, tu peux les valoriser localement pour faire du bois énergie. Et c'est très bon. C'est parce que ça permet de renforcer économiquement la Syrie. Tu vois, une petite entreprise, du coup, elle a un débouché et elle n'est plus obligée que de vendre qu'au papetier, qui jusqu'à présent avait le monopole. Et donc, du coup, cette Syrie, elle joue un rôle important dans l'aménagement du territoire. Elle crée des emplois, elle crée du bois de qualité. Elle a un gisement local de bois énergie. Alors que le modèle proposé par Sarkozy à l'Allemande, c'est on fait des grandes méga-scieries et à côté de ça, le territoire est vide. Donc si maintenant, dans un territoire en Bourgogne ou ailleurs, je veux faire ma petite chaufferie locale, je fais comment ? Vu que les scieries autour sont mortes, parce qu'il n'y en a plus qu'une seule grosse qui est en Alsace, je fais comment ? Voilà. Donc c'est un vrai problème d'aménagement du territoire, d'équilibre aussi entre les gestions de production, de biodiversité, de la forêt et autres. Quoi. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'on tire la pelote, tout est lié en fait. Mais aussi on peut dire qu'il y a deux modèles face à face par rapport au biomasse, parce qu'il y a des projets de territoire, de petits territoires, par exemple dans notre région dans le sud, mais partout, qui ont été soutenus par les pouvoirs publics, par des programmes comme 1000 chaufferies ou autres, qui ont quand même regardé assez de près le ressource locale et ils ont calculé à peu près ce qui est faisable. Et donc les élus du coin sont tout à fait impliqués dans la mise en place de ces projets. Et après, on a de très, très, très grandes entreprises comme Aeon ou autres qui arrivent et sont de mastodontes dans le coin et donc deux logiques totalement contraires. C'est exactement ça, c'est ce que j'expliquais, c'est que la forêt, on considère une gestion patrimoniale à l'échelle de la parcelle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le gestionnaire. Monsieur. Bonjour. Vous interrompez mon interview, mais bon, c'est pas grave. Bonjour, monsieur. Voilà, après cette petite interruption par les forces de l'ordre qui n'aiment pas qu'on fasse des interviews dans le jardin de Luxembourg, on reprend, on était en train de parler de ces deux modèles de projet biomasse. Ce qui est important à bien comprendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le propriétaire de la forêt ou son gestionnaire qui décide en fait de la façon dont le bois va être transformé derrière ou même de la façon dont la forêt va être gérée. Quoi. Donc l'usine de Gardanne, malheureusement, moi j'ai bien peur que ce soit la tête avancée d'une vague de projets qu'on va voir se multiplier. Alors pour transformer le bois directement en énergie, ça, c'est vrai que on va le voir parce que c'est déjà très présent dans beaucoup de pays européens, en Angleterre, notamment en Allemagne, mais également ce qu'on appelle les agrocarburants de deuxième et troisième génération. On a réussi à faire comprendre que les agrocarburants de première génération n'étaient pas bons, mais deuxième et troisième génération, c'est quoi ? C'est transformer le bois en carburant. C'est un procédé qui existe depuis des années et des années, le procédé Fischer-Tropsch, et on sait faire. Et donc on va faire des xylocarburants. Et là, on parle d'échelle absolument considérable, quoi. Première chose, les bioplastiques également. Le ministre du redressement productif veut lancer les bioplastiques. Mais ça va nécessiter des gisements de biomasse extrêmement importants, quoi. Donc si on additionne tout ça, on se rend compte qu'en fait, les terres agricoles, les forêts françaises ne suffisent pas. Et donc il y a besoin d'arbitrage, il y a besoin d'outils, de discussions entre les politiques et les citoyens pour dire ben moi, la priorité, c'est que je veux une forêt vivante. Je préfère effectivement diminuer la consommation de papier et avoir une maison en bois local, des choses comme ça. Je préfère une maison bien isolée plutôt que d'avoir à me chauffer. Enfin, il y a besoin de ces arbitrages, quoi. Parce qu'en fait, en France, on a parfois l'impression que Gardanne, c'est peut-être le plus grand projet en Europe, enfin, etc. En fait, quand on regarde en Angleterre, ouais. J'ai entendu un seul projet qui vise 4,5 millions de tonnes de bois par an, ce qui est 4 fois et plus que Gardanne, par exemple. Ouais. Et il y a des rapports qui disent que le total des centrales à biomasse en Grande-Bretagne représente 9 fois plus le ressource nationale. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi un processus qui est clairement, dès le début, axé sur les importations. Tout à fait. Gardanne, c'est clairement la plus grande usine en France de transformation de la biomasse. Ça, faut être très clair. Et effectivement, par contre, tu as raison, c'est que c'est un modèle qui vient d'Angleterre et d'Allemagne, parce que ces pays-là, en fait, sont des pays qui ont produit énormément et qui continuent de produire de l'énergie à partir d'énergies fossiles. Et donc, avec tout le débat sur le changement climatique, ces pays ont eu la pression. Et donc, plutôt que de réduire encore une fois leur production, leur consommation d'électricité, ils ont substitué une énorme quantité de fossiles par du renouvelable. Et donc, on a créé ces grandes usines-là en Angleterre, en Allemagne, et aujourd'hui, on les voit arriver en France. Et nous, c'est la même chose. C'est que l'enjeu, c'est non seulement de fermer des centrales nucléaires, mais de pas, surtout pas substituer du nucléaire par des renouvelables. Le véritable enjeu, c'est de diminuer la consommation d'énergie à un niveau qui est soutenable avec nos ressources locales, quoi. Voilà. Et tant qu'on n'a pas fait ça, eh bien, on déplacera toujours le problème ailleurs. Aujourd'hui, encore une fois, c'est Gardanne. Demain, ça sera encore un autre problème. À Port-la-Nouvelle, c'était la même chose. Quand ils ont voulu construire une énorme usine d'huile de palme pour alimenter l'Europe, pour faire rouler les voitures et les avions, non. C'est pas la bonne logique, quoi. Quelques mots quand même sur aujourd'hui, il y a une mobilisation qui parle pas mal de cette histoire de Gardanne et biomasse, mais c'est beaucoup axé sur le fait qu'il y a une nouvelle loi sur l'agriculture, mais aussi sur la forêt, en discussion actuellement, bientôt dans le Sénat. Quelle analyse aux Amis de la Terre vous avez fait de cette proposition de nouvelle loi forêt? Alors, on va me dire que des lois forêt, j'en vois passer tous les 2-3 ans depuis pas mal d'années. Et l'énorme difficulté qu'il y a avec toutes ces lois forêts, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui les écrivent, toujours les mêmes personnes, les mêmes hauts fonctionnaires, les mêmes personnes qui ont fait leur carrière à l'ONF. Il y a très peu de discussions, d'interactions avec les demandes des gens, avec ces nouveaux enjeux-là. Donc malheureusement, cette loi-là, elle s'inscrit exactement dans cette continuité. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, au niveau des collectivités locales, il y a de plus en plus de problèmes de demandes, de dire... aujourd'hui, il faut des outils de pilotage territoriaux pour dire oui ou non à un projet de biomasse qui ne va pas déstabiliser tout le reste. Il y a eu cette lutte gagnée dans le Morvan contre la méga-scierie. On voit qu'il y a besoin d'outils de pilotage territoriaux. Et donc, il faut passer par cette phase de lutte, de gagner des luttes, pour que ça se traduise par des lois. Aujourd'hui, malheureusement, le législateur n'est pas prêt, ne voit pas le problème encore, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'on peut dire plus globalement, c'est que autant l'agriculture est devenue, mine de rien, depuis 20-30 ans, un vrai sujet de débat en France. Ouais. Je veux dire, il y a des AMAP, il y a des biocoop, il y a la Confédération paysanne. Il y a tout ça. Mais la forêt qui couvre quoi, 30% du territoire et parfois jusqu'à 75% comme dans le Var, bon, ce n'est pas un thème. Les gens, ils aiment la forêt, mais ils savent très peu de la réalité. Non, la forêt, encore une fois, est un milieu très fermé. Et c'est très malheureux, hein, mais c'est vraiment un milieu fermé. Les gens qui gèrent la forêt sont les experts et savent. Et tant qu'on n'aura pas changé cette façon de voir les choses, on n'y arrivera pas. Voilà. Et donc pour ça, il faut passer encore une fois par des luttes, par des confrontations, par des expérimentations. Et tout ce qui est fait avec le réseau pour les alternatives forestières va dans le bon sens. Avant d'attendre des changements dans la loi, il faut multiplier ces alternatives, accumuler les forces. Et seulement quand on l'aura fait, quand on aura un réseau alternatif forestier en Bretagne, en Aquitaine, en Lorraine, partout, on pourra aller voir le législateur en disant « Regardez, maintenant, on n'est pas une alternative. C'est nous la norme. ce qu'on fait, c'est pas minoritaire, ça marche, ça fonctionne. Et donc reconnaissez-le par la loi. Aujourd'hui, la loi, elle reconnaît juste ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que des projets de méga-usines, reconnaître que l'ONF faut faire des économies et autres, on est totalement déconnecté de ce qui se passe sur le terrain. D'autant plus que, je veux dire, du point de vue d'emploi, qui est quand même un sujet majeur pour le gouvernement, la politique actuelle française est catastrophique, parce que, je veux dire, un filière local pourrait créer beaucoup, beaucoup plus de bois d'œuvre, etc., que de simplement déchiqueter du bois et que deux tiers va partir dans le ciel parce qu'en fait, il y a un rendement de 33%. Et voilà, donc il y a vraiment des alternatives aussi pour l'emploi à proposer. Les métiers du bois, c'est des métiers fantastiques. Alors, chez moi, j'ai pas de télé et j'ai construit toute ma maison. Sauf une ou deux choses, et notamment l'escalier en bois, en frêne. J'habite près d'Angers, hein. Un bois très local, très beau. Eh bien, je me suis posé sur ma chaise pendant que le menuisier est venu monter l'escalier l'après-midi. Mais c'était merveilleux, quoi. Ah, les gars ont monté tout l'escalier, de la conception jusqu'à l'assemblage, jusqu'au montage chez moi. C'est un métier qui est fantastique de voir ça, cette passion du bois, c'est noble. Ils connaissent, ils savent d'où venait le frêne. C'est vraiment... Voilà, c'est des métiers, en fait, qui font sens, qui font... Qui valorise les gens. Et c'est autrement plus valorisant de travailler dans une scierie qui fait du bois de qualité ou dans une menuiserie qui fait des produits de qualité plutôt que d'aller travailler à brûler du bois pour faire de l'énergie. Voilà. Il y a une question du sens, je crois, qui est vraiment importante, parce que le travail, c'est redonner du sens à ce qu'on fait. Merci. C'était SOS Forêt à Paris, la 14e émission dans la série Entre Cimes et Racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières. Vous pouvez trouver toutes les autres émissions de la série sur la page Forêt du site www.relier.info. Ou alors sur le site de Radio Zinzine, radiozinzine.org. FPP 106.3, la jungle des luttes. Eso me da inspiración a terminar la jornada. Copains de la résistance des Mérico, on s'en lasse pas. Alors, donc voilà, c'était la petite émission que les copains de Radio Zinzine ont bien voulu nous donner, nous prêter, nous permettre de diffuser. Donc voilà, ouais, ça fait un joli petit point sur la situation actuelle autour des luttes, autour de la forêt. Alors, on partage pas nécessairement toutes les positions, nous-mêmes, au sein du collectif, par rapport aux objectifs, aux buts des luttes, mais ça a au moins l'intérêt de poser le contexte et de voir à peu près où est-ce qu'on en est. Sans transition, on va enchaîner tranquillement avec les contrebelles les contrebelles, c'est des récits du sous-commandant Marcos, issus d'un ouvrage qui a été conçu par le collectif Grain de Sable et qui a demandé à plusieurs personnes de venir faire des lectures des contes. Donc un petit changement de programme, contrairement à ce que Virginie a annoncé tout à l'heure, parce qu'on n'a pas le temps. On va pas passer l'histoire de l'épée, de l'arbre, de la pierre et de l'eau, et on va enchaîner Le lion tue en regardant, qui est lu par Serge Pay, et L'histoire des autres, lu par Manu Chao, lu et mis en musique par Manu Chao. C'est parti. Le vieil Antonio avait chassé un lion de montagne avec son vieux fusil à pierre. Quelques jours auparavant, je m'étais moqué de son arme. On utilisait ces fusils à l'époque où Hernán Cortés a conquis le Mexique, lui dis-je. Il se défendit. C'est vrai, mais regarde entre les mains de qui il est maintenant. Il retirait les derniers lambeaux de chair de la peau pour la tanner. Tout fier, il me montre la peau. Elle n'a pas le moindre trou. En plein dans l'œil, se vante-t-il. C'est la seule manière de ne pas abîmer la peau. Et qu'allez-vous en faire ? Demandai-je. Le vieil Antonio ne me répond pas. Il continue à racler la peau du lion avec sa machette, en silence. Je m'assieds à côté de lui, et, après avoir bourré ma pipe, j'essaie de lui préparer une cigarette avec une feuille de maïs. Je la lui tends sans un mot. Il examine, puis la défait. « Tu es loin du compte, » me dit-il, tout en la refaisant. Nous nous asseyons pour partager ce rituel de fumeur. Entre deux bouffées, le vieil Antonio déroule le fil de son histoire. Le lion est fort, parce que les autres animaux sont faibles. Le lion mange la chair des autres, parce que les autres se laissent manger. Le lion ne tue pas avec ses griffes ou avec ses crocs. Le lion tue avec son regard. Tout d'abord, il s'approche doucement, en silence, parce qu'il a des nuages sous les pattes qui tuent le bruit. Ensuite, il saute et renverse sa victime d'un coup de patte, plus par surprise que par force. Puis il continue à la regarder. Il regarde sa proie, comme ça. Le vieil Antonio fronce les sourcils et me fixe de ses yeux noirs. Le pauvre petit animal qui va mourir ne peut rien faire d'autre que regarder. Il regarde le lion qui le regarde. Le petit animal ne se voit plus lui-même. Il regarde ce que le lion regarde. Il regarde l'image du petit animal dans le regard du lion. Il regarde à quel point il est petit et faible dans le regard que le lion porte sur lui. Le petit animal ne se demandait même pas s'il était petit et faible. C'est tout simplement un petit animal, ni grand, ni petit, ni fort, ni faible. Mais maintenant, il regarde dans le regard du lion. Il regarde la peur, et, regardant qu'on le regarde, le petit animal se convainc lui-même qu'il est petit et faible. Et dans la peur qu'il regarde, tandis que le lion le regarde, il a peur. Et alors, le petit animal se rend, comme ça. Il s'abandonne, et le lion l'engloutit sans peine. C'est comme ça que le lion tue. Il tue en regardant. Mais il y a un autre petit animal qui n'agit pas ainsi, et qui, lorsque le lion lui tombe dessus, l'ignore, et continue comme si de rien n'était. Et si le lion le frappe, il répond avec ses petites mains, toutes menues, mais qui font mal quand jaillit le sang. Et ce petit animal ne se laisse pas faire par le lion, parce qu'il ne voit pas qu'on le regarde. Il est aveugle. Top, c'est le nom qu'on donne à ces petits animaux. Il semble que le vieil Antonio ait fini de parler. Je risque un... Oui, mais... Le vieil Antonio ne me laisse pas continuer. Il poursuit son histoire tout en se roulant une autre cigarette. Il le fait lentement, se tournant plusieurs fois vers moi pour voir si j'écoute avec attention. La taupe est devenue aveugle parce que, au lieu de voir vers le dehors, elle s'est mise à se regarder le cœur. Elle s'est entêtée à regarder vers le dedans. Personne ne sait pourquoi elle s'est mise en tête de regarder vers le dedans. Et ainsi la taupe s'obstine à se regarder le cœur. Et elle se moque de savoir qui est fort ou faible, grand ou petit, parce que le cœur est le cœur et ne se mesure pas comme se mesurent les choses et les animaux. Mais se regarder vers le dedans, cela n'appartenait qu'aux dieux. Et alors les dieux punirent la taupe et ne lui permirent plus de regarder au dehors. Et en plus, ils la condamnèrent à vivre et à cheminer sous terre. C'est pourquoi la taupe vit sous la terre, parce que les dieux l'ont punie. Et la taupe n'en fut même pas chagrinée, parce qu'elle continua à se regarder au-dedans. C'est pour cela que la taupe n'a pas peur du lion. De même que n'a pas peur du lion l'homme qui sait se regarder le cœur. Parce que l'homme qui sait se regarder le cœur ne voit pas la force du lion, il voit la force de son cœur. Et alors, il regarde le lion, et le lion regarde l'homme qui le regarde, et le lion regarde dans le regard de l'homme qui le regarde, qu'il n'est qu'un lion, et le lion se regarde être regardé, et il prend peur, et il s'enfuit. Et vous, vous avez regardé votre cœur pour tuer ce lion, dis-je en interrompant. Il répond, moi, pas du tout, j'ai regardé le viseur du fusil, et l'œil du lion, et juste comme ça, j'ai tiré. Je ne me suis même pas souvenu du cœur. Je me gratte la tête comme on fait ici, ainsi que je l'ai appris chaque fois qu'on ne comprend pas quelque chose. Le vieil Antonio se redresse lentement, prend la peau du lion et l'examine avec attention. Puis il la roule et me la remet. « Tiens, me dit-il, je te la donne. » Afin que tu n'oublies jamais que le lion et la peur, on les tue quand on sait où regarder. Les plus anciens des anciens qui peuplèrent ces terres racontent que les plus grands dieux, ceux qui firent naître le monde, ne pensaient pas tous de la même manière. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la même pensée, mais que chacun pensait à sa façon, et entre eux, ils se respectaient et s'écoutaient. Les plus anciens des anciens disent que les choses étaient vraiment comme ça, car si cela n'avait pas été ainsi, le monde ne serait jamais né, parce que les premiers dieux auraient passé leur temps à se disputer. Puisque la pensée que chacun d'eux ressentait était différente. Les plus anciens des anciens disent que pour cette raison, le monde est fait de multiples couleurs et de multiples formes, autant que les plus grands dieux, les tout premiers, avaient de pensées en eux. Ils étaient sept les plus grands dieux, et sept les pensées de chacun d'eux, et sept fois sept sont les formes et les couleurs avec lesquelles ils vêtirent le monde. Le vieil Antonio me dit qu'il avait demandé aux plus anciens des anciens comment les premiers dieux avaient fait pour se mettre d'accord et se parler alors que les pensées qu'ils ressentaient étaient si différentes. Les anciens les plus anciens répondirent qu'il y eut une assemblée des sept dieux avec les sept pensées différentes de chacun d'eux et durant cette assemblée, ils trouvèrent un accord. Le vieil Antonio dit que les anciens, les plus anciens, dirent que cette assemblée des premiers dieux, ceux qui firent naître le monde, eut lieu longtemps avant l'hier, dans le temps où il n'y avait pas encore de temps. Et ils dirent que, dans cette assemblée, chacun des premiers dieux exprima sa parole, et tous dirent « Ma pensée, celle que je ressens, est différente de celle des autres. » Et alors les dieux demeurèrent en silence, car ils se rendirent compte que chacun d'eux disait « les autres », ils parlaient d'autres, différents. Après être restés un moment silencieux, les premiers dieux comprirent qu'ils avaient déjà un premier accord. C'était qu'il y avait des autres, et que les autres étaient différents de ceux qui étaient un. Ainsi, le premier accord entre tous les premiers dieux fut de reconnaître la différence et accepter l'existence de l'autre. Et comment faire autrement si, de toute manière, ils étaient tous des dieux, tous premiers, et qu'ils devaient s'accepter, parce qu'il n'y en avait aucun qui fût plus ou moins que les autres. Simplement, ils étaient tous différents, et ainsi ils devaient cheminer. Après ce premier accord, la discussion continua, car c'est une chose de reconnaître que les autres, les différents, existent, et c'en est une autre, très différente, de les respecter. Ainsi, ils passèrent un bon moment à se parler et à discuter de comment chacun était différent des autres. Et peu leur importait de prolonger cette discussion, car, de toute façon, le temps n'existait pas encore. Ensuite, tous se turent et chacun parla de sa différence. Et chacun des autres dieux qui écoutaient se rendit compte qu'en écoutant et en connaissant les différences de l'autre, il se connaissait lui-même davantage et mieux dans ce qu'il y avait de différent. Alors ils furent tous très contents et se mirent à danser, et cela dura longtemps. Mais pour eux, cela n'avait pas d'importance, car en ce temps-là, il n'y avait pas encore de temps. Après avoir dansé, les dieux parvinrent à l'accord qu'il était bon qu'il y ait des autres, qu'ils soient différents et qu'il faut les écouter pour nous connaître nous-mêmes. Et après cet accord, ils s'en allèrent dormir parce qu'ils étaient très fatigués d'avoir tant dansé. De parler, ça, ils n'étaient pas fatigués, car ils étaient vraiment très doués pour le bavardage, ces premiers dieux, ceux qui firent naître le monde et qui apprenaient tout juste à écouter. FPP 106.3, il y a un petit problème technique sur le générique, mais j'espère qu'il devrait pouvoir se résoudre assez vite. Bon, en attendant, on va s'arrêter là et se retrouver le mois prochain ou plus tard, en fonction de ce qu'on fait le mois prochain. On n'a pas encore tout à fait décidé, mais on verra ça. Et on vous souhaite, dans tous les cas, un bon été. À bientôt.